je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » M'éblouit, ton amour est ma vie.